B. 1. Sophie est une personne très organisée. 2. Claude est un garçon très sociable. 3. Michèle est allemande. 4. Caro est très patiente et toujours disposée à aider. 5. Katia est douée pour les langues, très douée. 6. Benjamin est très aimable, vraiment très aimable. 7. Nice est une ville fantastique.